ben bonjour et bienvenue tout le monde à cette 741e émission de Skypunka en ce dimanche 23 mars 2019. C'était les ordures ioniques avec la pièce Sommes-nous vaincus qui avait été précédée bien sûr de leur bonne vieille introduction, l'apéritif, pièce se retrouvant sur l'album Je m'en viens sous, sorti il y a très longtemps à la fin des années 90 sur En Garde Record. Ah, pourquoi cette chanson-là? Bien, c'est parce qu'une fois, en entrevue, il y a une fille qui m'a dit « Sais-tu, c'était quoi mon rêve dans la vie? » J'ai dit « Ben non, c'était quoi ton rêve? » Ben, c'était de pouvoir chanter pour les ordures ioniques, chose que je fais présentement. Ouais, je suis en train de parler de Marie-Starlette Lavigne, qui, comme vous le savez, est décédée il n'y a pas grand temps. C'est pour ça que je voudrais justement faire cette émission en son honneur. En même temps aussi, commencer l'émission avec un bloc sur les ordures ioniques ainsi que sur The Horny Bitches, qui étaient ces deux groupes. On va y aller avec le premier bloc, qui sera composé tout d'abord de la pièce À une gorgée de sauver le monde, ainsi que La valse de l'ivresse, qui sont sur le plus récent album des ordures ioniques, disponible en vinyle, puis en CD, puis en MP3. Vous pouvez retrouver ça sur Runs Record, puis sur Néfaste Music. Très bon album. Je vous dirais pas mal le meilleur que les ordures ont fait jusqu'à maintenant. Ensuite, on va y aller avec leur version de la pièce Comptoir Chaos du groupe Comptoir Chaos, qui se retrouve sur le split qu'ils ont fait avec eux. Ça aussi, ça date de pas longtemps, puis c'est sur Runs Record. Donc, on va entendre, c'est ça, leur version de la pièce Comptoir Chaos, issue du 7 pouces complètement capoté, tabarnak. Si jamais je me répète, ben, désolé, là, mais c'est ça, quand on débute une émission de cette façon-là, on dirait qu'on veut tout dire, puis en même temps qu'on oublie des bouts. Marie-Starlette, ce qu'elle fait de spécial avec, c'est que je dirais que elle était vraiment présente sur la scène. Tu sais, les ordures ioniques, quand ils ont commencé, eux autres, ils ont eu une chanteuse qui n'a pas resté là très longtemps. Après ça, ils en ont eu une deuxième. Puis, les ordures, à un moment donné, sont disparues. Puis, après ça, ils sont revenus avec un mini-album, Kick la cacane. Puis, avant qu'ils sortent, j'ai demandé aux gars, surtout à V8 puis à Francis, c'est qui va faire la fille dans votre groupe, là? C'est qui? Ah, attends, tu vas voir. Puis là, ben, on l'a vu, c'était qui? Marie-Starlette Lavigne, qui a vraiment fait la job d'une façon impeccable. T'sais? Elle avait deux personnes à remplacer, parce qu'il y avait eu deux chanteuses quand même avant elle. Puis c'est quelque chose qu'elle a fait très bien. Autant au niveau du chant, au niveau des enregistrements, que de la présence sur scène. En entrevue aussi, c'était toujours super. Fait que, chapeau. J'espère que si tu nous entends quelque part, dans un autre monde, ben j'espère que t'es en train de partir un nouveau band avec les autres légendes du punk qui sont avec toi. Sur ce, on va y aller, comme je l'ai dit, avec la pièce À une gorgée de sauver le monde, La valse de l'ivresse et puis Comptoir Chaos. Après ça, ben on aura un autre bloc spécial, mais sur des Horny Bitches cette fois-ci. Allez, let's go! Musique! Puis trashé en l'honneur de Marie. Allez, let's go! Ah! Nous a... c'était les Ordures Ioniques avec leur version de la pièce Comptoir Chaos du groupe Comptoir Chaos, qui se retrouve sur le split qu'ils ont fait avec ce groupe, portant le titre de Complètement Capoté Tabarnak. Et puis au début du bloc, on avait eu deux pièces extraites de l'album éponyme des Ordures Ioniques, leur plus récent album, c'est-à-dire les chansons À une gorgée de Sauver le monde et puis La valse de l'ivresse. Maintenant, comme je vous l'ai dit tantôt, on continue avec The Horny Bitches et puis deux chansons se retrouvant sur l'album Heart and Guts, c'est-à-dire Rip and Tide ainsi que The Triple, qui sont les deux premières pièces de cet album qui s'enchaînent une dans l'autre. Après ça, on va y aller avec une chanson en français de Horny Bitches qui est un hommage au shérif, la pièce Arrête de bitcher, pièce qui se retrouve sur l'album Génération Shérif volume 2. Et puis après ça, on va avoir la seconde version de la pièce Necromaniac qui se retrouve aussi sur l'album que j'ai nommé précédemment, c'est-à-dire Heart and Guts, mais qui se retrouvait aussi sur le premier album de Horny Bitches qui s'appelait 30 Reasons to Fuck. Sur ce, allez, let's go, puis partez un bon gros trash en l'honneur de Marie Starlette Lavigne qui nous a laissé. Let's go, musique! I'm not afraid to be you. Let you fight. c'était The Horny Bitches et puis la chanson Necromaniac. Au début du bloc, on avait Riptide ainsi que The Triple et puis Arrête de Bitcher. J'espère que vous avez vraiment trashé comme du monde parce que Marie Starlette Lavigne, c'était toute une rockeuse. Puis pour le prochain bloc, c'est un autre bloc qui est pas trop évident parce que dans le fond, c'est un bloc que je vais dédier à son chum. Qui joue dans Cayman Under 45, parce que Cayman Under 45 vient de sortir un nouvel album sur Stump Record, album qui s'appelle Stand With The Youth. Donc, Josh Michaud, qui est à la trombone pour Cayman, eh bien, je te dédie ce bloc. En même temps aussi, cette émission-là est pour toi, mes sympathies. Donc, on va y aller avec la chanson thème, justement, du tout nouvel album de Cayman Under 45, Stand With The Youth. Après ça, on va continuer avec la chanson Whatcha Doing To Me, qui est une chanson ska. D'ailleurs, les deux premières pièces que je vais vous faire entendre sont ska. Tandis que les deux autres sont plus reggae avec des petites touches de punk, surtout pour la pièce Hooligans. Puis après ça, ben on va terminer ce bloc avec la pièce qui clôt le tout nouvel album de Cayman Under 45, c'est-à-dire la chanson Cooking Out on the Pans. Yes. Allez, musique, c'est du ska et du reggae, puis c'est Cayman Under 45. Allez, let's go! Nation and ain't never gonna stop. Tick, tick, tock, ain't never gonna stop. Well, tick, tick, tock, ain't never gonna stop. Tick, tick, tock, ain't never gonna stop. Because the youth of the nation won't let the sin drop. The other youth. To get a gun at a store, you can pay it cash down and you get a few more. The NRA is drooling cause they sell it more and more. As the country improves and the president's a whore. Now the youth of the nation, they ain't giving it up. Well, the youth of the nation, they ain't giving it up. Because they're fighting for their freedom and they're never gonna stop. You're the youth of the nation when they say it must stop. They are the youth. Stay with the youth. They are the youth. Of the nation when they say it must stop. When I close my eyes, you're all that I can say. Driving down the freeway, your image follows me. Get a little high, drinking gin and juice. Try to brush it off, but you know I'm going to live. Oh, what you doing to me? Like a deer in the headlights, I couldn't run away. When I saw you on the streets, I didn't know what to say. Shake my head every day, and what have I become? Hit the hot bullet, babe, I wouldn't want a gun. Oh, what you doing to me? Oh, what you doing? Kill me. Kill me. I couldn't see a thing. All went black without a sound. The air was wearing thin. What to do and what to say, and where did I go wrong? The ghost of you pounds in my head as I write this song. Oh, what you doing to me? Oh, what you doing to me? Cause my brain's gone crazy and I cannot see. Oh, what you doing to me? Hey, step back, it's not a game that we play. looking out on the pants makes me feel so sweet. Water, wind is the sound. I smoke it up by the pound. It gets me moving my feet. Looking out on the pants. Kingfish and the jerk. We got this big bass sound. We smoke it up by the pound. And I don't wanna work. We are island bound. The ships we build in jars, but most importantly, friendship, especially ours. To Brian! Brian! OK, alors c'était K-Man and the 45 avec quatre pièces extraites de leur album Stand with the Youth, dont justement cette chanson-ci qui est la chanson thème de l'album. Puis après ça, eh bien, on a eu Whatcha Going to Me, qui a été suivi de Hooligans ainsi que Cooking Out on the Pan. Le nouvel album de K-Man and the 45 contient 12 pièces. Ça vient de sortir sur Stump Record. C'est comme, dans le fond, fidèle à leur tradition. Là, un mélange de ska puis de reggae avec une petite touche de punk. Donc, très bon album encore de K-Man and the 45. Je vous encourage à aller les voir en show. Puis de les encourager, bien sûr. Après ça, bien là, on va continuer en oeil avec tout d'abord The Rippers, qui donne dans un bon gros oeil violent, avec l'introduction de leur album. Donc, album qui s'appelle Rip It Up, qui vient de sortir sur, Long Shot Music. Donc, on va entendre tout d'abord le speech d'introduction de l'album, là, qui est... Things Are Bad, puis après ça, Ultra Violence, ainsi que la pièce Always the Underdog. Après ça, on va avoir un nouveau groupe là, qui m'a écrit qui voulait jouer à Skypunka, fait que, pas de problème, je commence à jouer aujourd'hui. Donc, Bring the War Home, avec la chanson People's War. Ça, c'est extrait de leur mini-album qui vient de sortir, là, qui est un album, dans le fond, éponyme. Puis, ça contient 5 chansons. C'est disponible en MP3 ou en Wave. Moi, j'ai là en Wave en plus. Il y a une pochette qui vient avec ça, là. Donc, très, très bon groupe. Puis après ça, eh bien, on va avoir un groupe qui a donné toute une performance au iFest la fin de semaine passée, c'est-à-dire Atagonizer ETL. Il était vraiment dedans. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, je vous dirais que c'est comme une version oeil de Bouncing Soul. Ouais, je pense que ça résumerait bien Atagonizer ETL. Sur ce, allez, let's go. Puis ça commence avec The Rippers et la pièce Things Are Bad, qui n'est pas une pièce, qui est une introduction. Hein. Puis après ça, Ultra Violence ainsi que Always the Underdog. Allez, let's go! I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street. There's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I don't want you to protest. I don't want you to riot. I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. I don't want to. I The central slogan of this action, besides the demands, the specifics, is bring the war home. Give up, hellboy, and give some more. OK, alors c'était Atagonizer ATL avec Hold Your Ground. Puis au début du bloc, on a eu The Rippers avec Things Are Bad, Ultra Violence, ainsi que Always the Underdog. Puis après ça, ben là, on avait eu le second groupe, là, Bring the War Home, avec la pièce People's War. Maintenant, ça va faire un tour en ska. Question de skanker un peu avec tout d'abord, The Kingpins et la pièce King of the Jungle. Mais là, c'est la version alternative se retrouvant sur Let's Go Back to Work. Après ça, The Special avec It's You, pièce se retrouvant sur Guilty Till Proved Innocent. Puis après ça, The Planet Smashers avec Too Much Aptitude. Chanson extraite de leur bon vieil album Life of the Party. Puis Planet Smashers, ils ont un nouvel album qui s'en vient. Fait que surveillez ça, ça va jouer bientôt à Skypunk. Et après ça, les partisans avec Sous la pluie, Rude Boy. Creatures out there meaner than me. I rule the forest, I rule the trees. The lion see me, he get down on his knees. Well, from Kilimanjaro to the banks of the Nile, I live like an emperor, cause that's just my style. I'm king of the jungle, I'm boss of the land. In the Sahara, I am prince of the sand. So when you're out there, just look and see. Every living creature's paying homage. King of the jungle, that's me, jungle, I'm boss of it all. The apes will cower when they hear my call. I swim the river, I climb the rock, I fight the rhino and wrestle the croc. Well, from the slow-moving Congo out to the Red Sea, and the one to look out for when on safari. I'm king of the jungle, I'm lord of the beast. There ain't no creatures out there meaner than me. So when you're out there, just look and see. Every living creature's paying homage. King of the jungle, that's me. Your name that was called. It's you that I'm talking to. family, they were running around trying to stop you from going down. It's you that I'm talking to. It's you that I'm talking to. Yes, it's you, you that I'm talking to. It's you that I'm talking to. Yes, it's you, you. qu'il y a beaucoup de travail pour les classes populaires. Les partisans avec leur bonne vieille chanson Sous la pluie, Rude Boy, extrait de la réédition de leur album éponyme. Puis cette réédition-là, elle a été faite l'année passée sur Runs Record. Le vinyle en plus, il est super beau, il joue super bien. Puis il est orange. Ouais, un beau soleil. Yes, sir. Hein? Du ska, ça ramène la joie. Et au début du bloc, on avait eu The Kingpins avec King of the Jungle. Ça a été suivi de la formation de Special, là, qui seront en spectacle au mois de juin là, à Montréal. Surveillez ça. Puis après ça, on a eu The Planet Smashers avec Too Much Aptitude. Et il y a un nouvel album des Planètes qui s'en vient. Faut surveiller ça. Maintenant, on y va avec le spécial 2 sur 4 de la compilation Punk East vs Punk West LP qui est sortie là, vraiment pas beaucoup de temps sur Rampage Slam Production. Enfin, Rampage Slime Production. Donc, il y a deux émissions. Ben, vous avez entendu les trois nouvelles chansons de Ripcords. Ben là, on y va avec les cinq nouvelles chansons de Riot Porn. Puis, lors de la prochaine émission, là, ben, il y aura un autre groupe. Et après ça, dans une autre émission plus lointaine, où est-ce qu'on va être rendu à faire le spécial 4 sur 4? Ben, ça va être l'autre groupe qui vient de l'Ouest. Ouais. Fait que là, les deux groupes de l'Est sont faits. En tout cas, vont être faits, mais que je parte la musique. Donc, pour Riot Porn, leur nouvelle chanson que vous allez entendre sont les suivantes, c'est-à-dire Fuck Hope, Cat's Calls, Wire, Six Foot, ainsi que Progress. Allez, let's go. Musique. It's the story about a man slowly succumbing to a kind of nightmarish loneliness, the gradual disintegration of mind and body. Fuck anything that moves! Your cackles make me sick! So what the fuck do you expect me to do? Let me have blood to suck your dick! Not fucking likely, I think you're a piece of shit! Shut the fuck up! I burnt your gaze, you made me fucking sick, I am enraged! Why do you think it's okay? Shut up! Your machine? Heard it last night, too. It's an offense to the ear. Let me have some good progress. Will resolve it. OK, alors, c'était Riot Porn avec les cinq chansons suivantes. Tout d'abord, vous avez eu Fuck Hope, Cat Calls, Ward, Six Foot, et puis Progress. Il me semble que mon Six Foot a drôlement sonné. En tout cas, donc ça, ça se retrouve sur l'album compilation là, Punk East vs. Punk West. Dans le fond, c'est ce qui clôt le côté A. Au début du côté A, on a Ripcords, puis après ça, on a Riot Porn, puis après ça, on s'en va du côté Ouest. Le côté Ouest jouera dans deux autres émissions. Yeah, je laisse durer le suspense. Puis là, on s'en va en folk punk. Bah, ben, folk punk. En street punk, puis en folk punk. Bref, on commence en street punk avec Territories, là, qui ont un petit côté folk, là, avec Standing in Place. Pièce extraite de leur album éponyme qui est sur, Pirate Press Record, là. Puis après ça, eh bien, Street Dogs avec une pièce extraite de leur plus récent album, la chanson Working Class Heroes, extrait de l'album Stand for Something or Die for Nothing. Puis après ça, là, on tombe en folk punk pour de vrai, là, avec The Pillars et leur version de la pièce Jesse James, que vous pouvez retrouver sur leur bonne vieille album qui s'appelle Boots and Suits. Puis après ça, on va clore ce bloc avec un bon vieux classique de Flogging Molly, Rare Old Time, extrait de Drunken Lullaby. Thank you. Children, they were brave. Now, his passing tales and glories that once was Dublin town. The hallowed halls and houses, the haunting children's rhymes that once was part of Dublin in the Red Rebel times. Ring a ring a rosy, as the light declines, I remember Dublin city in the Red Rebel times. Well, my name it is Sean Dempsey. It's Dublin now. That seems to be my trade. I was a cooper, lost out to redundancy. Like my house, I failed to progress. My trade's a memory. I caught a peg indignant, as pretty as you please. A rogue and child of Mary from the rebel liberties. I lost a Flogging Molly, et puis Rare Old Times. Et au début du bloc, on a eu Territories avec Standing in Place, Street Dogs avec Working Class Heroes, ainsi que The Pillars avec Jesse James. Maintenant, il est rendu le temps de se quitter. Et aujourd'hui, on va se quitter tout d'abord avec la formation espagnole La Inquisición, et puis la chanson Verte Amanecer. Après ça, Lion's Law avec Déjà Mort, pièce qui se retrouve sur leur 7 pouces Zonor, sortie à la fin 2018 sur Une Vie pour Rien Vénile. Pour ce qui est de La Inquisition, la chanson qui va jouer, c'est la pièce qui vient clore leur album LVX, sorti en 2018. Et puis après ça, eh bien, vous allez avoir The Old Firm Casual avec leur pièce Nation on Fire, pièce qui se retrouve sur leur tout nouvel album qui vient de sortir sur Pirate Press Record, c'est-à-dire l'album Older Danske. Et finalement, on va clore l'émission avec une excellente chanson qu'a composée Marie Starlette Lavigne pour les Ordures Ioniques et qui l'a très bien chantée aussi, c'est-à-dire la pièce Idiocratie, se retrouvant sur l'album éponyme des Ordures. Sur ce, bye bye et à la semaine prochaine pour une autre émission de Skypunka. Tu fais la paix, puis le feu.